Alors, en retour, essayez de se laisser le temps de voir ensemble les consignes du travail que vous allez avoir à réaliser. Comme je vous le mentionnais, il y a, en ce qui concerne l'entretien, des dimensions éthiques dont il faut tenir compte, dimensions qui vont notamment... Donc, dimensions qui vont notamment dépendre du caractère sensible ou pas du sujet que l'on va traiter. Il y a généralement, dans les différentes institutions dans lesquelles on mène un projet de recherche, des règles, des normes, des politiques éthiques à respecter. Donc, vous devez vérifier auprès de vos promoteurs, quand vous souhaitez utiliser l'entretien, quelles sont les normes du département, de la faculté, dont le promoteur relève notamment, pour vous assurer d'être en règle. Généralement, il y a des questions en fait, qui concernent ces normes éthiques, qui sont de l'ordre, par exemple, est-ce que vous allez donner une rétribution financière, ou une récompense ou autre, aux personnes que vous interviewez? Est-ce que vous allez traiter d'un sujet qui est sensible, qui concerne par exemple l'orientation sexuelle, qui concerne la religion, qui concerne les convictions politiques, etc., etc. Des sujets de ce type, est-ce que vous voulez aller interroger des mineurs? Tout ce type en fait de critères-là sont à prendre en considération sur un plan éthique. Vous devez aussi vous poser la question de en fait, la protection de la vie privée, des données personnelles, des interviewés. Il faut que vous puissiez notamment garantir l'anonymat des personnes que vous allez interviewer. Puisqu'en général, au fil de l'entretien, on donne toujours des données assez personnelles, on évoque des salaires par exemple, on donne bref, un certain nombre d'informations personnelles qui peuvent permettre de nous identifier. Surtout quand ce sont des personnes, par exemple, qui occupent certaines responsabilités, ou encore lorsque ce sont donc des sujets délicats ou sensibles. Donc vous devez aussi penser à l'utilisation que vous allez faire des données. Donc est-ce que vous allez appeler, par exemple, le répondant 1, répondant 2, répondant 3, etc. Est-ce que vous allez mettre ça sur une clé USB, dans une Dropbox? Est-ce que vous allez détruire les enregistrements que vous aurez faits au bout d'un certain temps, etc. Les personnes interrogées, assez souvent, en fait, les personnes sont plutôt ouvertes à se laisser interroger, mais elles peuvent être préoccupées par ce que vous allez faire, donc des informations recueillies, et aussi donc de combien de temps vous allez les garder et dans quel cadre vous allez les utiliser. Vous devez respecter un droit qui est fondamental, qui est celui pour l'interviewer de refuser de prendre part à l'entrevue, voire en cours de route en fait, de choisir d'interrompre sa participation. Donc ça ne veut pas dire que la personne, parce qu'elle accepte d'être interrogée, va forcément aller au bout de l'entrevue, et ça fait partie en fait des droits, des normes éthiques que l'on doit respecter. On vous a mis ici en référence le lien de la Commission de la protection de la vie privée ici en Belgique qui justement fait le point un peu sur ces différents aspects éthiques-là sur lesquels vous devez vous questionner. Dans tous les cas, l'intervieweur, comme Sylvie l'a mentionné déjà un petit peu avant, joue un rôle fondamental dans la situation d'interaction dans laquelle vous allez vous retrouver. Ce que vous devez retenir, c'est que vous arrivez généralement en situation d'entrevue après avoir réfléchi à un problème de communication, à des concepts, à des théories, vous êtes documenté sur des chiffres, un contexte, etc. Donc vous avez déjà intellectuellement articulé des enjeux, des termes, des définitions qui servent à définir une situation. Or, les personnes que vous allez interviewer, il ne faut pas croire qu'elles sont immédiatement en mesure de parler de ce qu'ils font. Donc, c'est-à-dire d'avoir justement, de faire un exercice de réflexivité. Vous allez arriver en ayant justement creusé ces questions-là. Mais pour les personnes, c'est pour ça qu'on parle d'une espèce de phase qu'on nomme d'entame, qui est une sorte d'amorce, les 10 premières minutes par exemple, ça va peut-être tourner autour de banalité, il va y avoir des oui, un peu gênés, etc. Mais il va y avoir donc dans la relation d'enquête, un lien de confiance et un lien de confidence qui va devoir s'installer après quelques minutes. Et je passe vite fait la parole à Sylvie justement pour qu'elle vous parle de la qualité de cette relation d'enquête que vous devez travailler à développer en cours d'entretien. Merci. Ben voilà, donc ce mot confiance est tout à fait un mot clé, est un mot fondamental. Lorsque vous menez un entretien avec un interlocuteur, quel qu'il soit, vous n'êtes pas totalement neutre, hein, vous êtes une personne, vous vous montrez quand même un peu avec votre personnalité, vous n'êtes pas complètement désengagé, non impliqué, distant, ça ce serait un petit peu de nouveau une illusion positiviste. Il s'agit de faire preuve d'empathie, en tout cas à minima d'intérêt pour votre question de recherche, d'intérêt pour votre interlocuteur, mais vous pouvez aussi utiliser un peu votre humour, votre propre sensibilité. Ce qui est important, et ça c'est vraiment dans la phase, vraiment du début, les premières minutes d'entretien, il est important d'essayer de favoriser une relation de confiance. Donc vraiment de s'adapter à son interlocuteur. On sent parfois que la personne qu'on va interroger est complètement crispée, parce qu'elle se fait une idée de l'entretien peut-être comme un contrôle. Dans ce cas-là, il faut lui dire, ben, vous savez, je vois que vous êtes un peu inquiet, il n'y a pas de raison, et peut-être réexpliquer l'objet et l'objectif, dire écoutez, ce que vous me dites ne va pas être je vous réaffirme l'anonymat, je vous réassure l'anonymat, je ne vais pas, si je retranscris vos propos, c'est à des fins d'analyse, rassurer les gens quant à l'usage qui sera fait des entretiens. Les gens pensent parfois qu'ils vous livrent des éléments de leur vie et que tout ça va apparaître sur la place publique, alors que le type d'analyse qui est faite, c'est souvent de comparer des cas et finalement, voilà, les individus ne sont absolument plus repérables. Donc voilà, ça fait partie aussi de la construction de la relation de confiance, c'est éviter qu'il y ait des malentendus quant aux objectifs, à l'usage qui en sera fait. Mais voilà, au niveau personnel, de nouveau, Stéphane Beau nous dit il s'agit de se montrer impliqué dans la volonté de comprendre. Hein, un chercheur qui arriverait et qui dit bon, oui, voilà, moi je dois faire ce travail voilà, pour un cours universitaire, et un chercheur qui se montre, enfin un étudiant éventuellement, qui ne se montrerait pas du tout documenté, qui serait à côté de la plaque, qui ne connaîtrait pas le béaba. Des choses qu'on est supposé connaître, évidemment, ne risque pas d'amener une envie, enfin, n'a pas beaucoup de chance d'amener une envie à son interlocuteur de s'impliquer lui-même et de répondre. Voilà. Donc l'entretien subit aussi l'influence de la personnalité du chercheur, de son humeur, de ses intérêts, de ses présupposés. Donc voilà, il faut un petit peu jouer de tout ça, sans en imposer, mais sans faire preuve de trop de retenue non plus. Donc ce qui est important, c'est de trouver la bonne distance, en fait. Trop de proximité, hein, ça arrive que des étudiants se sentent vraiment très à l'aise, ne fassent pas attention à leur tenue, tutoient les gens, parce qu'ils ont l'habitude de tutoyer tout le monde. Bon, voilà, ça peut amener un peu de résistance, de réticence chez l'interlocuteur. Parfois, se montrer trop réservé, trop poli, avec un vouvoiement un peu exagéré, et des formes de politesse. Voilà, il faut trouver le ton avec son interlocuteur. Il faut un petit peu jouer effet caméléon, comme ça, donc pas trop de proximité, mais pas trop peu non plus. Enfin, il faut le sentir, et de nouveau, il faut mettre à l'œuvre nos compétences sociales. Voilà, il ne s'agit pas de jouer un rôle qui ne vous ressemble pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que trop de sympathie pourrait un petit peu braquer les gens, trop de distance, voilà, pourrait ne pas les amener à se livrer non plus. Donc voilà, il faut être attentif à son attitude, ça c'est quant à, voilà, à l'attitude, mais aussi quant à ses présupposés, à son parti pris, essayer. On enquête parfois sur des sujets pour lesquels on a des opinions déjà très affirmées, mais c'est clair que si on mène une étude sur un tel sujet, il s'agit parfois de ne pas faire part de ses opinions, parce que qu'on ne pourrait pas mener une enquête suffisamment crédible en affichant ses opinions d'emblée. Parfois, ça vaut la peine, en fin d'entretien, de sortir un peu du bois et d'aller plus loin si son interlocuteur... voilà, il y a très fort une question de feeling dans la relation à l'enquêté, et il s'agit vraiment en situation de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Voilà, pour la relation d'enquête. Alors, très vite, donc, on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a différentes phases dans l'entretien, dont la première phase qui est la phase de préparation. Alors, c'est vraiment cette phase de préparation, ce qu'on va vous demander de faire, hein, c'est vraiment cette interface, en fait, entre la phase de construction d'objets, hein, vous aurez été dans vos livres, vous aurez lu des articles, vous serez documenté, et puis, après, vous allez aller sur le terrain. Donc, la préparation, c'est vraiment cette phase intermédiaire entre toutes vos lectures et le moment empirique de la rencontre concrète avec votre interlocuteur. Alors, le guide d'entretien fait partie de cette phase de préparation de l'enquête. D'accord ? C'est vraiment à ce moment-là que ça se fait. Alors, on peut définir le guide d'entretien comme suit. C'est un ensemble structuré de thèmes, voire de sous-thèmes, hein, on peut décomposer des thèmes en sous-thèmes, qui peuvent être formulés sous forme de questions et de sous-questions, qui vise à favoriser le discours de l'interviewé. Vous voyez, il y a vraiment ce terme, favoriser un discours, de manière à répondre aux objectifs de la recherche. Vous voyez ? Alors, ce que le guide d'entretien n'est pas, c'est vrai qu'on l'a déjà un petit peu énoncé, ce n'est pas une recension de questions qui sont préformatées et qui sont destinées à être administrées. D'accord ? Il faut d'ailleurs... vraiment bannir même ce vocabulaire dans la philosophie de l'entretien. On n'administre pas un entretien, d'accord ? C'est un vocabulaire qui n'est pas adéquat. L'entretien n'est pas un outil figé, c'est un outil qui est évolutif. C'est-à-dire que si dès votre premier entretien exploratoire, vous vous rendez compte que des questions étaient mal formulées, ben vous allez les formuler autrement pour le deuxième entretien, d'accord ? Si vous vous rendez compte que des thèmes ne sont pas adéquats, eh bien, vous allez abandonner ces thèmes et continuer avec d'autres thèmes, en développer d'autres. D'accord ? Donc, c'est vraiment un outil hybride, un outil évolutif qui doit être revu en permanence. Il y a évidemment un moment, quand on décide de mener 30 entretiens, où voilà, l'outil est stabilisé. Hein. Il ne faut pas penser qu'il est réadapté tout le temps. En tout cas dans la phase de préparation. Et donc, voilà. Et en aucun cas, il s'agit d'utiliser un guide d'entretien de manière rigide. Si vous voyez qu'une question ne fait vraiment pas écho chez votre interlocuteur, alors vous pouvez essayer de vous acharner, mais ça risque de ne pas fonctionner. Eh bien, il vaut mieux se dire, voilà, si mon interlocuteur n'a rien à dire là-dessus, je ne vais pas insister, on passe à autre chose. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette idée du bon usage de l'entretien. C'est de l'adapter à la situation. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste tant sur la préparation d'un guide d'entretien ? Il faut savoir que dans les ouvrages méthodologiques, il y a un petit peu des controverses, une controverse autour de la préparation du guide. Évidemment, si on prépare un guide et qu'on l'utilise de manière trop rigide, c'est contre-productif. Mais ne rien préparer et y aller comme ça un petit peu à l'improvisation, on risque aussi de passer à côté le travail risque de ne pas être très rigoureux et de ne pas obtenir grand-chose. Donc voilà, l'importance de préparer un guide d'entretien, c'est qu'en fait, quand vous décomposez votre question en différentes dimensions, différents thèmes et sous-thèmes, ça vous permet en fait de vous assurer que vous avez fait un peu le tour de toutes les facettes d'une question. D'accord ? Si vous ne préparez pas ça, vous ne vous en rendez pas compte généralement. Et un autre point important, c'est que ça vous permet vraiment de passer d'un thème à la formulation d'une question. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre une question qu'on se pose en tant que chercheur, intellectuellement, et puis la manière dont on va formuler la question à son interlocuteur. Donc, quand on prépare, ça permet de faire vraiment ce lien entre une question qu'on se pose et la manière dont on va la formuler. Et vous allez en faire l'expérience. c'est pas toujours facile, ça ne vient pas toujours tout de suite de formuler une bonne question. Et la meilleure manière de s'en assurer, c'est de la tester déjà pour soi, hein, se la répéter plusieurs fois, tiens, si je la formule comme ça, est-ce que ça marche? Et puis de la poser même à des gens qui ne sont pas, je dirais, concernés par la question de recherche, mais à vos proches, vous pouvez tester la formulation de questions pour dire, tiens, est-ce que c'est compréhensible? D'accord? Voilà, donc c'est vraiment important, cette préparation du guide dans la préparation d'une enquête. Ça permet aussi de clarifier votre problématique de recherche, de voir ce que vous n'avez pas abordé, ce qui serait les manquements, d'approfondir votre questionnement. Et au moment du déroulement de l'entretien lui-même, si vous avez un guide d'entretien que vous n'avez pas d'ailleurs toujours sous les yeux, hein, il y a intérêt au moment de l'entretien, voilà, vous avez intérêt à l'avoir un peu en tête, votre guide, et parfois vous n'allez en entretien qu'avec un canevas, c'est-à-dire les thèmes principaux. Vous n'avez pas toujours toute la liste de vos questions devant les yeux, vous faites des mémos, ça vous permet d'être disponible à l'écoute, en fait, de ne pas être rivé sur vos questions, mais d'être attentif à ce que votre interlocuteur va avoir à vous dire, et donc pouvoir rebondir sur les choses qui vont être importantes. Ça vous permet donc d'avoir une écoute active, et vraiment, le moment de l'entretien, vous n'êtes pas un simple réceptacle d'informations. Vous faites déjà une analyse en situation. Et c'est en fonction de ce que votre interlocuteur vous aura dit que vous allez prévoir certaines relances, des choses que vous n'aurez pas prévues a priori, mais qui vont être pertinentes dans le fil du discours de votre interlocuteur. D'accord ? Ça va vous permettre de préparer des relances qui vont être tout à fait ajustées. Relances qui vont vous permettre d'approfondir les propos, de recentrer le discours si votre interlocuteur s'éloigne, de poser des questions complémentaires, vraiment de permettre davantage de richesse et de profondeur. Et ça va vous permettre aussi de gérer le temps. Ça va vous permettre de faire des synthèses. Si votre interlocuteur a du mal à préciser une idée qui part dans certaines digressions, puis des exemples, la relance, ça va être de dire, donc si je comprends bien tout ce que vous me dites là, au fond, ce que vous voulez me dire, c'est ceci, ceci, cela. D'accord ? Donc, vous devez vous permettre de rendre compte de votre compréhension des propos de votre interlocuteur en situation. Vous voyez ? C'est vraiment comme dans la vie courante, comme quand on discute avec des proches, on s'assure d'une compréhension commune d'une situation. D'accord ? Donc vous n'êtes pas là juste pour poser des questions. C'est ça qui fait vraiment l'intérêt de l'entretien. Voilà, et ça vous permet aussi d'obtenir un discours librement formé de votre interlocuteur. Hein ? Ne pas le rendre complètement dépendant des questions que vous avez à poser. Lui permettre de dire ce qu'il a à vous dire. D'accord ? Donc voilà, le mot-clé, c'est l'adaptation du guide d'entretien au moment même de l'entretien. On peut dire aussi, un guide d'entretien, c'est comme une carte. Vous voyez, vous allez vous dire, tiens, je vais mettre ce thème-là avant celui-là, celui-là, mais bon, finalement, c'est peut-être pas fondamental. C'est des points de passage. Vous voyez, vous dites, je dois aller là-bas, je peux prendre ce chemin-là, puis si mon interlocuteur m'emmène par là, ben pourquoi pas. Vous voyez, c'est des points de passage. Ok, et c'est important d'éviter de lire son guide, ce qui ne ferait pas vraiment preuve de professionnalisme de votre part. Alors, le fameux guide d'entretien, donc, sur lequel, qui va faire partie en fait du travail que vous allez réaliser pour le cours, dont je vais donner les consignes dans quelques minutes, il part de votre thème de recherche et donc, comme on disait un peu plus tôt, il est imposé à l'interviewé. Donc c'est vraiment vous qui mettez l'axe, le fil directeur en fait de l'entretien que vous allez mener. Les fondements de votre guide, ce sont vos objectifs de recherche. Autrement dit, vous prenez votre question principale de recherche que vous avez posée en conclusion de votre problématique, vous voyez quels concepts sont inclus dans la question principale et vous voyez en fait quelles sont les dimensions que ces concepts-là incluent. À partir de cette analyse-là, vous allez préparer donc différents thèmes qui peuvent traduire votre question et par thème. Donc vous allez avoir des sortes de hiérarchies entre ce qui est vraiment le plus important pour vous et ce qui est l'ordre plus de questions périphériques, des détails que vous pouvez obtenir mais qui ne sont peut-être pas centraux pour répondre aux questions que vous vous posez. Dans tous les cas, Sylvie l'a dit, mais il faut que vous fassiez vraiment la distinction entre la façon dont vous vous représentez ce que vous cherchez à savoir et la façon dont vous le demandez. Si vous vous interrogez, par exemple, sur la manière dont les influenceurs en ligne ou les ambassadeurs de marque s'inscrivent dans la théorie des leaders d'opinion de Katz et Lazarsfeld, c'est sûr que si vous arrivez en entretien en disant, en tenant ce type de vocabulaire-là à l'interviewé, a priori, il ne va pas vous livrer grand-chose, ça ne va pas lui dire grand-chose. Donc vous avez en fait à faire un exercice de vulgarisation, pas dans un sens péjoratif, mais vraiment dans un sens de transmission en fait, de ce qui vous intéresse. Donc il faut que vous prépariez des transitions, des façons de parler, des mots-clés aussi sur lesquels vous appuyez. Donc je parlais par exemple d'ambassadeur de marque, d'influenceur, de leader d'opinion, ça peut être plutôt, on va plutôt parler de personnes influentes ou personnes connues, personnes qui vous intéressent, etc., etc. Donc on va essayer de se faire une sorte de vocabulaire en fait qu'on pourra utiliser pour intéresser notre interviewé et également pour se rapprocher, donc pour réduire cette fameuse distance en fait dont Sylvie parlait tout à l'heure. Vous devez aussi tenir compte de choses très concrètes et matérielles qui sont notamment les conditions de réalisation de l'entretien. Selon la personne que vous allez interviewer, vous ou elle ne disposera pas forcément d'un temps, d'autant de temps que vous auriez souhaité. Donc il y a déjà un peu cette contrainte de temps. Il y a aussi la contrainte de lieu. Peut-être que la personne travaille aux horaires où vous êtes disponible, ne peut pas trop s'éloigner de son lieu de travail. Du coup, elle vous donne rendez-vous dans un endroit qui est extrêmement bruyant, où il y a peut-être des collègues, donc elle va peut-être être un peu gênée de vous dire certaines choses, ou au contraire, elle va vouloir être très loin de son lieu de travail, donc vous allez devoir la rencontrer loin, donc ça va peut-être déterminer ou jouer sur l'heure à laquelle vous la rencontrez, donc sur son état de fatigue, etc., etc. Donc il y a plein d'éléments circonstanciels que vous devez aussi anticiper, et c'est pour ça que l'un des avantages de l'entretien... Donc, on va y aller. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui. Ok. Donc, la souplesse de l'entretien, ça sert aussi, par exemple, dans des cas où vous vous rendez compte que la personne, il ne reste plus que 5 minutes parce qu'elle vient d'être appelée en urgence à son travail, je crois que c'est un médecin. Donc, au lieu des 45 minutes d'entretien que vous deviez avoir avec elle, finalement, vous n'en avez que 10 ou 12. Et c'est là où vous devez en fait avoir en tête vos objectifs de recherche pour vous dire, ok, il me reste 3 minutes, donc quel thème je fais remonter en premier. Vous avez prévu un bel enchaînement, très logique, etc. Et donc là, vous devez en fait essayer d'aller par priorité et faire remonter un thème pour avoir votre réponse en fait, votre contenu le plus intéressant éventuellement obtenu dans votre entretien. D'où l'importance de tester aussi le protocole que vous envisagez. Le protocole, ça veut dire la façon de vous présenter, le temps que vous prenez au début pour lancer un peu l'entretien, l'enchaînement des thèmes que vous avez prévus, les mots-clés sur lesquels vous comptez vous appuyer, et également la façon dont vous concluez l'entretien. On essaye de remercier la personne, etc. Parce qu'il faut aussi garder en tête que la personne, peut-être que vous allez avoir besoin de l'interroger une deuxième fois plus tard, parce que vous allez vous rendre compte qu'elle vous avait parlé d'un thème qui était vraiment super intéressant, qui n'était pas prioritaire dans votre recherche, mais finalement, ce serait bien d'aller l'approfondir. Donc, vous avez intérêt à garder, du début à la fin, une bonne relation avec elle. Vous devez tenir compte de plusieurs paramètres, notamment donc des éléments de langage. Je vous disais il y a quelques instants, tout ce qui est de l'ordre vraiment de la théorie scientifique que vous allez avoir absorbé pour construire votre problématique, votre cas théorique, etc. Et c'est l'exercice scientifique qu'on vous demande pour rédiger votre mémoire, vous devez en fait faire un exercice de réflexivité pour vous dire, bon, ça c'est la façon dont je comprends intellectuellement le problème, maintenant, en peu de temps, comment je le présente à mon interviewé pour le laisser s'exprimer sur ce sujet-là avec ses propres mots. Donc vous ne devez pas l'influencer et le gaver de théorie en fait à l'avance, sinon il va chercher à, à dire ce qu'il pense que vous attendez qu'il dise. Donc, attention au langage, attention à l'ordre des thèmes et donc des questions. On essaye d'avoir une certaine logique, donc de ne pas passer du coq à l'âne, pour en fait permettre à l'interview d'être un minimum à l'aise, du moins de développer des raisonnements à travers les questions, peut-être de compléter sa pensée au fur et à mesure de l'entretien. Donc on essaye par exemple d'aller du général au particulier ou du particulier au général, d'avoir une structure chronologique si par exemple on va avoir des éléments sur la carrière de quelqu'un, etc., etc. Donc il faut tenir compte aussi, c'est du niveau de connaissance, c'est-à-dire en fait du niveau de connaissance que la personne peut avoir du sujet sur lequel vous l'interrogez. Une des erreurs fréquentes en entretien, c'est ce que certains auteurs appellent l'erreur de l'expert, c'est-à-dire qu'on a tellement lu, on s'est tellement renseigné sur un sujet, qu'on a l'impression que un peu tout le monde, en fait, est au minimum au courant d'une certaine partie de ce qu'on a appris. Or, on oublie que quand on ne s'intéresse pas et qu'on n'a pas le temps de s'intéresser en particulier à une question, généralement, notre niveau de connaissance, il n'est pas si élevé que ça. Donc, vous ne devez pas prêter à vos interviewés un niveau de connaissance ou d'expertise plus grand que ce que cela ne peut être en réalité. Donc, vous devez faire attention à ça. Dans tous les cas, je vais un peu au pas de charge pour essayer de vous donner, d'avoir le temps de donner les consignes de l'exercice. Dans tous les cas, ce que vous devez éviter, c'est dans le contenu de vos questions, de vous mettre l'interviewé à dos, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre du discours socialement inacceptable ou choquant, donc confronté par exemple sur des convictions politiques, etc., etc. Sachant que votre objectif, c'est d'obtenir en fait les représentations, les croyances, les valeurs de la personne que vous interviewez. Ce n'est pas à vous d'être en confrontation en fait. Des formulations tendancieuses, c'est-à-dire qui vont inclure que la personne, a priori, vu la question que vous posez, que pensez-vous par exemple des actions aberrantes de Donald Trump depuis son arrivée à la présidence? A priori, la personne va se dire que, étant donné que vous avez parlé d'actions aberrantes, vous êtes forcément contre Trump, donc vous attendez à ce qu'elle soit critique aussi à son égard. Donc ça, ce sont des façons, tout ce qui est de l'ordre des adjectifs, etc., ce sont des façons de teinter les questions auxquelles vous devez faire attention. Autre écueil à éviter, c'est de superposer plusieurs idées dans une même question. Vous devez aider votre interlocuteur, donc distribuer en fait les idées, question par question. Il faut lui permettre d'avoir en fait un espace de réflexion et de confidence suffisant. Vous devez éviter, et là je parlais des règles générales au niveau des questions, sur le plan de la consigne. C'est-à-dire la consigne, c'est au départ ce que vous dites à votre interviewé comme finalement description de ce qui va se passer et de ce que vous attendez de lui. Donc la consigne, c'est en gros, bonjour, je travaille, je suis étudiant en master à telle université, je vais réaliser un mémoire sur tel sujet, j'aimerais donc que vous me parliez de ce thème-ci, etc. Il faut d'un côté éviter d'être trop précis pour ne pas influencer en fait l'interviewé, mais il faut aussi donc ne pas être trop large, c'est-à-dire il faut au moins lui donner donc quelques mots-clés sur ce que vous attendez de lui, pour pas qu'il ne soit en fait stressé ou pour pas qu'il se sente lâché ou tout seul dans l'exercice. Donc c'est important en fait d'essayer d'avoir un équilibre entre le degré de précision de ce que vous lui dites comme thème et en même temps sur le degré de, d'ampleur ou de généralité avec lequel vous présentez le thème. Dans les conseils, vous devez donc essayer de privilégier, je vais insister surtout sur celle-là, privilégier les questions concrètes, plutôt que des questions dans lesquelles vous allez utiliser des concepts, des théories, des abstractions, etc. Donc, vous demandez à la personne, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, de vous décrire son quotidien en tant que cinéaste, réalisateur, journaliste, relationniste, etc., etc. Et vous devez faire en sorte qu'en fait, la question que vous posez, elle veuille dire quelque chose pour votre interviewé. Donc, d'où l'intérêt, là encore, de tester auprès de votre entourage, auprès de personnes qui ont un peu le même profil que l'interviewé que vous voulez aller voir, si votre question, elle veut vraiment dire quelque chose, est-ce qu'elle correspond à une réalité. Vous devez plutôt favoriser les questions allant dans le comment, commence par comment, que pensez-vous d'eux, etc., plutôt que des questions qui sont de type pourquoi et qui en fait vont induire de la part de l'interviewé une recherche d'explication et une recherche de conceptualisation. Vous n'oubliez pas que la personne elle conceptualise et qu'elle s'autocritique en vous répondant de façon trop intense. Vous voulez vraiment qu'elle vous dise ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, quelle est son expérience, son vécu, son ressenti, ses représentations. Donc pour cela, ouais, j'ai 53, donc on va devoir faire des choix. Il y a différentes techniques. Étant donné l'heure, ce que je vous propose, c'est les dernières diapos qui nous restent pour aujourd'hui. Je les garde pour le début de la séance prochaine. Et je vous fais part des consignes qui, comme vous allez le voir, font écho en fait à ce qu'on a vu aujourd'hui et également en contenu que l'on verra la semaine prochaine. Donc, les consignes du fameux travail, noté, qu'on en a appelé aussi le rapport de mi-parcours, elles sont en ligne actuellement dans l'UV. Il y a un document Word qui a été déposé. Document Word dont vous devez vous servir pour répondre en fait au travail. Je vais essayer d'accéder, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon, est-ce que tout le monde autour de lui a accès à l'UV, au moins un ordinateur ou deux ou trois? Non. Donc, vous formez des équipes pour qu'on puisse regarder les consignes. Oui, vous pouvez venir ici aussi. C'est la barrière. Alors, l'objectif de ce travail-là, c'est en fait de vous faire appliquer les bases théoriques que l'on a vues ensemble depuis le début de la session, autrement dit, la formulation d'une problématique et la préparation d'un cas théorique qui est pertinent pour la problématique. Et on vous propose à partir de ça d'aller procéder à la réalisation de deux entretiens. Alors, ce qu'on vous suggère, c'est d'utiliser en fait votre projet de sujet de mémoire pour en gros faire une espèce de terrain en fait expérimental. Autrement dit, les entretiens qu'on vous demande de mener, c'est des exercices individuels, ce sont deux entretiens que vous devez mener et ce sont des entretiens plutôt de type exploratoire. Ce qu'on veut voir, c'est pas vous avez fait un bon ou un mauvais entretien, etc. Vous avez recueilli des informations intéressantes ou pas intéressantes. C'est plutôt que vous mettiez à profit les entretiens que vous allez mener pour essayer peut-être de préciser votre problématique, pour aller chercher des détails sur le vocabulaire à utiliser, pour mieux connaître la population que vous voulez étudier, etc. Donc, on vous suggère de prendre votre sujet de recherche pour faire le travail demandé. Ce n'est pas une obligation dans le sens où si vous avez des doutes sur votre sujet de recherche, que vous êtes peut-être pour certaines finalités en train d'en changer, ou etc., vous pouvez vous servir aussi de ce travail comme exploration d'un autre sujet. D'accord ? Vous allez voir que dans l'intitulé, en fait, dans le document qui est prédéterminé, vous avez déjà des espaces de réponse qui sont fixés. Autrement dit, on ne vous demande pas de faire 5 pages de problématique. La problématique, si je me rappelle bien, c'est une page. Donc vous avez en fait ce dont vous pouvez partir, c'est de votre fiche de mémoire et vous pouvez développer ce que vous aviez fait pour décembre à partir de ce que l'on a vu ensemble. Autrement dit, ça va, monsieur Dave, ça n'a pas l'air d'aller. Est-ce que vous avez des questions parce qu'il y a des choses pas claires? Alors, selon vos objectifs de recherche et selon les types de population que vous visez, vous pouvez utiliser le terrain de ces voix comme test ou vous pouvez mener des entretiens par Skype, si c'est possible, ou à ce moment-là, des choses impossibles et des cas particuliers, correspondre avec nous et on verra avec vous comment recadrer peut-être des séances d'entretien avec une population présente ici à Bruxelles pour tester des dimensions particulières de votre problématique. L'objectif, c'est en fait que cet exercice d'entretien-là vous permette d'expérimenter les difficultés potentielles que l'on a rencontrées, les degrés d'adaptation qu'on a à faire, mais également d'en retirer quelque chose pour votre sujet. Donc pour ceux qui sont concernés par des enquêtés qui se trouvent ailleurs, à ce moment-là, vous pouvez, à moins que la possibilité de Skype soit possible, sinon vous pouvez nous écrire pour qu'on voit avec vous comment ajuster ça. D'accord ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans des cas particuliers pour les entretiens ? Oui ? C'est pour ça que ce qu'on vous demande, ce sont des entretiens exploratoires. Au sens où, on ne vous demande pas d'appliquer, d'utiliser les entretiens pour trouver des réponses faites à vos questions. On vous demande plus d'aller mener des entretiens à propos de votre sujet, en gros, de recherche, plus pour peut-être tester les intuitions que vous avez, pour recueillir des représentations, etc. Mais c'est complémentaire à votre démarche. Ça ne veut pas dire que ça vous oblige à utiliser des entretiens après. C'est juste aussi pour vous permettre, s'il y a des conseils que vous voulez donner, des questions que vous voulez poser, vous pouvez le faire, mais pour tout le monde. Donc, les entretiens, ils sont vraiment de type exploratoire. On ne vous oblige pas à les utiliser du tout par après, peut-être mettre sur votre sujet. Mais par contre, ils vont vous permettre aussi de voir que peut-être effectivement, pour vous répondre à votre question, ce n'est pas des entretiens qui seront utilisés de façon systématique après, mais vous pourrez expliquer pourquoi. Parce que vous devrez justifier, que ce soit dans le TPM ou dans le mémoire, le recours à la méthodologie de recherche que vous aurez utilisée. D'accord ? Donc, c'est pas, là encore, ce n'est pas à voir comme un exercice de je sais faire ou pas des entretiens, c'est vous donner une occasion d'en faire au moins une fois pendant votre mémoire, pour ceux qui n'en feront pas après. Et c'est une occasion aussi de fouiller un peu votre sujet. Donc pour ceux qui vont par contre faire des entretiens, vous pouvez vous en servir comme entraînement, justement. Tester un livre, etc. Donc ce à quoi vous devez faire attention, c'est qu'il faut que les questions que vous allez bâtir, les personnes que vous allez interviewer, elles doivent être cohérentes par rapport à la problématique que vous énoncez et par rapport aux cas théoriques que vous allez lister. Donc, il faut bien un lien entre les deux. Si vous nous présentez une problématique sur une chose, que vous allez faire deux entretiens juste pour faire deux entretiens, ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Il faut qu'il y ait vraiment un lien. Oui. Donc, il faut que ce soit deux situations d'entretien à part. C'est pas a priori, il n'y a pas de raison. A priori, on vous suggère de privilégier plutôt une personne, un entretien en face à face. Si. Est-ce que. Il y a un souci d'avoir un petit peu. Donc, a priori, on vous suggère de privilégier des. De privilégier des entretiens en face à face, donc vous avec un interviewé. S'il y a des situations comme la difficulté de la personne, elle arrive avec quelqu'un d'autre. Et elle vous dit, ben voilà, il y avait mon voisin, mon cousin, mon collègue, et tout, il était intéressant, etc. Vous pouvez en profiter à ce moment-là, en mentionner et faire cette expérience-là. Mais a priori, c'est pas quelque chose qu'on vous demande, parce qu'on préfère, en fait, que vous meniez des entretiens comme un. Pour pouvoir observer vraiment l'interaction, en fait, de personne à personne. Donc entre vous, entre les biais potentiels que vous avez arrivés, entre les relances que vous allez faire, etc. Sachant que ces techniques-là, de relance, de reformulation, de recentrage. On fera un point donc au début de la séance prochaine, puisque ce sont des choses que vous devrez aussi mentionner dans votre rapport. thérapeutique, comment vous avez géré des situations d'entretien? Les entretiens doivent être longs. 30 à 60 minutes. Ah, quand même. Par personne 30 à 60 minutes. C'est un peu plus simple, c'est 30 minutes minimum, 60 minutes maximum.